Merci pour ces remarques et questions qui montrent qu'on peut discuter. Moi, je pense que si on veut pouvoir construire un dialogue fécond, il faut que les uns et les autres, dont je fais partie, se gardent d'essentialiser les temporalités. Je pense que c'est ça le truc, c'est que les disciplines ont tendance, plutôt que de mettre en avant les objets qu'elles étudient, d'essentialiser les rythmes auxquels elles ont affaire. Et à partir de là, autant parler de temporalités multiples, si on veut, mais dans ce cas, on abandonne la notion de temps. Or, je remarque qu'en même temps qu'on essentialise les temporalités, on leur associe un temps propre qui serait l'émergence physique, presque, de la temporalité qu'on a étudiée. Et c'est ça, si c'est comme ça, si vous voulez, on ne peut même plus parler. Et autant retourner dans sa tour d'ivoire et faire du travail relatif à sa discipline et seulement à elle. Ça, je pense qu'on l'a tous compris. On m'a demandé si le temps physique et le temps social, c'était la même chose. À partir du moment où vous parlez d'un temps social ou autre, c'est-à-dire à partir du moment où vous lui ajoutez un adjectif, je pense que quelque part, vous l'essentialisez. C'est-à-dire vous tenez à croire que la société serait capable de fabriquer son temps à elle. Non, elle fabrique sa temporalité, elle fabrique son rapport au temps. Si vous faites trop dépendre le temps du sujet, en disant par exemple il y a un temps humain, ou bien en disant comme Kant que le temps est un produit de la conscience, d'une façon générale, si vous êtes corrélationniste, c'est-à-dire si vous faites dépendre le temps de quelque chose d'autre que lui-même, vous pouvez le faire. Il y a d'ailleurs des arguments très forts qui sont venus en soutien de la philosophie kantienne ou d'autres philosophies corrélationnistes. Mais vous devez résoudre un paradoxe, qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité. C'est que nous savons, nous les physiciens, qu'il y a eu toutes sortes d'événements dans l'univers qui ont précédé l'apparition de la conscience. L'homme est là depuis 2 millions d'années, il y a des étoiles qui sont là depuis 14 milliards d'années, etc. Autrement dit, l'univers a déployé le plus quart de son temps à se déployer sans l'homme, et sans aucune conscience. D'accord ? Donc la conscience est un phénomène qui est apparu historiquement. Bon. Si maintenant vous pensez que le temps est corrélé à la conscience, pour le dire rapidement, si vous pensez que le temps avance du fait de la conscience qui le fait passer, alors expliquez-moi comment le temps a-t-il pu passer avant l'émergence de la conscience, si la conscience est le moteur du temps. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité. Et pas mal de gens qui ont regardé ça considèrent que ce paradoxe réfute les thèses corrélationnistes. Évidemment, à condition de savoir ce qu'on entend par temps et de savoir quel rôle on fait jouer au présent. Il y a plein de documents là-dessus, je ne vais pas vous gaver avec ça, mais la physique a du mal à rendre compte du présent. C'est-à-dire que pour elle, le présent est un instant comme les autres, banal. Or, pour nous, le présent est un instant singulier. Est-ce que le fait qu'elle n'arrive pas à rendre compte de la singularité du présent vient du fait que cette singularité est illusoire, ou vient du fait que la physique est incomplète? C'est-à-dire qu'elle a oublié de rendre compte d'un truc qui est objectivement là, mais qu'elle n'est pas parvenue à intégrer dans ses formalismes. Voilà une question intéressante. Maintenant, pour répondre aux questions de la salle, la remarque sur le langage. On peut critiquer le langage que par le langage. Alors, oui, mais en même temps, ce n'est pas une contradiction complète, parce que je pense qu'on peut utiliser le langage pour critiquer ce qu'il y a dans le langage, c'est-à-dire critiquer ce qui est dans le langage par le langage. On ne peut pas dire par le langage ce qui est dans le langage, mais je pense qu'on peut critiquer par le langage ce que dit le langage. Et je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est un peu ça. Et je ne dis pas qu'on arrive à saisir des vérités qui viendraient hors du langage, au sein même du langage, mais on peut être méfiant à l'égard du langage. On peut être méfiant à l'égard du langage, et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et toute la question est de savoir si on est capable de dépasser le langage, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de dépasser l'humain ? Vous allez me dire, mais tous les discours sont des discours humains. Très bien. Ok. Tous les discours sont des discours humains, y compris les discours des physiciens. Bah oui. Mais est-ce qu'on peut connaître des choses qui concernent autre chose que l'humain ? Autrement dit, est-ce que l'humanité, pour ce qui est de la théorie de la connaissance, est enfermée dans l'humanité ? Est-ce que l'humanité a le pouvoir d'excéder sa condition obtenir des informations sur ce qui n'est pas elle. L'intérêt de la connaissance, c'est de dire, il y a un sujet connaissant, il y a des objets à connaître. Ces objets ont des propriétés particulières qui leur sont propres, d'où la question, comment ce qui n'est pas moi peut-il devenir pour moi? C'est la question de Hegel. Comment ce qui n'est pas moi peut-il devenir pour moi? Le temps n'est pas moi, sauf si je dis que le temps c'est moi. Mais si je ne dis pas que le temps c'est moi, ça veut dire que le temps n'est pas moi. N'étant pas moi, comment puis-je le connaître? Et ma thèse, que je pourrais défendre davantage, c'est que le langage ne m'aide pas à connaître le temps. De même que les expériences des spéléonautes, à commencer par celles de ces mineurs qui ont été des expérimentateurs involontaires, nous a énormément appris sur la perception des durées, des rythmes, mais rien n'a appris sur le temps. Absolument rien n'a appris sur le temps, à part une chose que nous connaissions déjà, à savoir que le cerveau est un chronomètre pourri. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons une montre au poignet. Nous avons une montre au poignet parce que notre cerveau est une horloge pourrie. Et nous ne faisons pas confiance à notre cerveau pour mesurer les durées puisque nous avons une montre. D'accord ? Si vous voulez, il y a une expérience qui a été faite sur beaucoup de sujets qui a montré que tous les êtres humains dont on avait ouvert le crâne avaient un cerveau. Voilà. Est-ce que le cerveau ne nous dit que des choses qui sont fabriquées par lui, ou est-ce que le cerveau a accès à des connaissances qui ne viennent pas de lui? Qui ne viennent pas de lui, c'est-à-dire est-ce que le cerveau est capable de dépasser sa condition cognitive de cerveau? Voilà la question. Moi, je pense que oui, sinon, je ne ferais pas de physique. D'accord, si le monde physique était une espèce d'externalité illusoire qui renvoie simplement à ma propre psyché, je ne ferais pas de physique. Et je pense que la physique, c'est une des rares disciplines qui est capable de rencontrer un réel qui n'est pas moi. D'accord ? Parce qu'on a prédit l'existence d'objets physiques que nous ne connaissions pas. Peut-être que dans quelques mois, vous entendrez parler du boson de Higgs qu'on est en train de découvrir au CERN. Ça fait 40 ans qu'on le prédit. Ça veut dire que par des ressorts qui nous sont propres, qui sont liés à l'expérience et à la théorie, on est capable de prédire l'existence dans l'univers d'un champ scalaire dont on n'a jamais vu l'équivalent. Et il me semble que c'est la preuve que nous sommes capables de nous excéder. De nous excéder, c'est-à-dire d'excéder notre condition en ayant connaissance de choses qui ne viennent pas de nous. Maintenant, la question sur les lois, le temps, les conditions physiques, les conditions initiales. Quand je dis, vous avez dit, pour nous, tout événement change le contexte et change la suite. Mais c'est vrai pour nous aussi. Quand il y a une supernova qui pète, ça change l'orientement cosmique dans la galaxie, ça change beaucoup de choses. Ça fabrique des éléments lourds qu'on retrouve dans le gaz interstellaire, etc. Donc tout événement a des conséquences. En revanche, comme pour vous, nous savons que l'univers a une histoire de la même façon qu'une société a une histoire. Et le réflexe des physiciens du XXe siècle, au début, comme Einstein, c'est bien, mais puisque l'univers a une histoire, c'est la preuve que les lois physiques ont une histoire. Les lois physiques évoluent comme l'univers. Il a fallu un gros travail de clarification conceptuelle pour comprendre qu'en fait, quand l'univers évolue, ce n'est pas parce que les lois physiques évoluent, mais parce que les conditions physiques ont évolué. D'accord ? Autrement dit, l'univers d'avant était plus chaud, plus dense, plus énergétique qu'aujourd'hui. De sorte que si aujourd'hui, grâce à l'argent des contribuables, on arrive à faire des collisions de particules qui recréent dans un petit volume pendant un temps très court les conditions physiques du passé, comme les lois n'ont pas changé, on voit sous nos yeux les phénomènes physiques qui existaient dans l'univers primordial. Autrement dit, c'est parce que les lois n'ont pas changé qu'on peut répéter dans le présent les conditions physiques du passé et voir des phénomènes qui, à l'époque, étaient évidemment, s'étaient déroulés à l'abri d'un regard et qu'on voit, nous, sous l'œil des détecteurs de particules qu'on a installés autour des collisions. Vous voyez, je ne suis pas sûr qu'on soit épistémologiquement si distincts les uns des autres.